ma vie. J'étais hier en son lit, tué sa peur incommunée, et confessé tous mes péchés. Mais en passant sous la soutane, on attrape vite un mal de crâne. J'avais une envie de changer, j'ai attrapé l'envie de gerber. Est-ce que Dieu me pardonnera d'avoir voulu trouver la foi? Et à force de vivre en esclave, j'ai vendu mon âme au diable sur un péché capital. J'ai dérivé vers le mal, j'ai vendu mon âme au diable. J'ai fait hier après-midi, tu voulais tout faire bouger et faire preuve de citoyenneté. Mais en passant par l'isoloir, on attrape vite le cafard. J'avais une envie de changer, j'ai attrapé l'envie de fermer. Est-ce que je me pardonne d'avoir voulu donner ma foi? Mais à force de vivre en esclave, j'ai vendu mon âme au diable sur un péché capital. J'ai dérivé vers le mal, j'ai vendu mon âme au diable. La grosse connerie de ma vie, je l'ai faite hier avant la nuit. Je voulais simplement m'occuper, tirer un trait sur cette journée. Mais en passant sur LCI, on attrape plus de trois faux. J'avais une envie de changer, j'ai attrapé l'envie de gerber. Est-ce que tu me pardonneras d'avoir osé faire tout ça? Mais à force de vivre en esclave, j'ai vendu mon âme au diable sur un péché capital. J'ai dérivé vers le mal, j'ai vendu mon âme au diable. We'll be right back. Deputado machista com discurso racista tem apoio da mídia fascista. Coração, o medo de gritar, cortar a tua, tendo causado a repressão. Je t'en dis mes sons, Dieu, que prends ta démission. perdido. Se me hincha el pantalón sobre la arena, mamame, como un escorpión. Sucio estoy, sucio voy, caminando sentido. Sucio estoy, sucio voy, por los monedos perdido. Cae la noche, apártate. I'm sorry. shut. Everybody talking about smash style. Tell some like the final solution. Right wing, left wing, follow high. We don't wanna fight because you tell us to. So watch your back when you attack us. We might just turn on you. Things get worse with every hour. The future fights into the past. All they want is time to power. Climbing on the backs of the working class. We don't wanna fight because you tell us to. So watch your back when you attack us. We might just turn on you. más ni para tomar por culo. Y eso de currar a ti tampoco te gustaba mucho. Los camellos de kilos los tienen por aliados. Cuando hay mercancía fresca son los primeros que prueban. We don't need to go for a drink.